21. 2021, un esprit. Vous êtes sur Radio 21, c'est la fin de la session techno hebdomadaire proposée comme d'habitude en collaboration avec le Fuse. Elle était consacrée ce soir à Miskitin et à l'instant à Vitalik. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine dès 1h du matin. Un esprit.